je n'imaginais guère devenir aussi vieux que ça. Autrefois, je n'imaginais guère que je ne te rencontrerai pas. Et elle n'a pas pu venir de chercher la guerre, qu'elle ouvre un autre chemin de ce pas. Et si tout marchait par terre, et si l'exception c'était moi, elle n'a pas disparu, c'est simplement que je ne la vois pas. Elle vit simplement ici-bas. Je n'ai pas très bien su ce qu'il fallait faire de moi. Connais même le lieu de ton dernier regard.